J'arrive mieux à regarder la mort que les larmes d'un homme. J'écoute pas de son, je m'écoute penser, on dirait Nora Jones. Et merde, je me trouve pitoyable quand j'émerge, je me trouve héroïque quand j'herbe et je me trouve fou que dans mes rêves. Il reste des bouts de shit et de sueur comme sur les paumes d'un pote. Je suis un canard, il me manque un bout de cœur comme la pomme d'Apple. Je les voyais parler sur YouTube en baissant les yeux dans le métro. Je vais rien entendre qui sort de leur cul, je le regarderai depuis le Merco. Rire en coin de bouche, juste à côté du stick tout vert. On allonge nos tripes sur l'instru, on fait pas de son vite fait. J'écris des histoires, j'ai pas trop le goût de faire des stories. Dans ma valise y'a des soupirs quand sous mes yeux coulent les souvenirs. Je suis perdu que quelqu'un m'aide. J'ai mal au crâne, je crois que je vais péter les plombs. J'hésite entre les joies et les larmes, entre le bien et le mal, c'est le syndrome qui fait que je tombe. Je suis perdu que quelqu'un m'aide. J'ai mal au crâne, je crois que je vais péter les plombs. J'hésite entre les joies et les larmes, entre le bien et le mal, c'est le syndrome qui fait que je tombe. Entre vider mon cœur ou bien rester clair, réussir ma vie ou bien la foutre en l'air. J'hésite, hein, j'hésite, hein, j'hésite, ah, hein. J'hésite ma foi, je crois pas parler mieux, je recherche une voix, je te parle de ce que je connais, je te parle de moi, je te parle des mois, dans les yeux de mes proches, serrés dans mes bras, cœur plein de bazar comme le fond de mes poches. J'hésite à me justifier, j'hésite à tout arrêter. J'ai 27 ans, je veux faire rimer, arrêt métier, mes preuves en est, je suis encore dans le trône. Je suis courageux ou acharné, je veux pas faire le pas de trop. Eh, j'hésite entre P et album. Je m'en bats les coronesses de devenir une icône. J'ai déjà mis de la poudre dans quelques rétines. J'hésite mais j'ai changé mes rêves en vitrine. Aux yeux des miens, je suis déjà un prince comme les mecs de Vitry. J'ai mal au crâne, je crois que je vais péter les plombs. J'hésite entre les joies et les larmes, entre le bien et le mal, c'est le syndrome qui fait que je tombe. Je suis perdu que quelqu'un m'aide. J'ai mal au crâne, je crois que je vais péter les plombs. J'hésite entre les joies et les larmes, entre le bien et le mal, c'est le syndrome qui fait que je tombe. Entre vider mon cœur ou bien rester clair, réussir ma vie ou bien la foutre en l'air. J'hésite, hein, j'hésite, hein, j'hésite, ah, je suis perdu que quelqu'un m'aide. J'ai mal au crâne, je crois que je vais péter les plombs. J'hésite entre les joies et les larmes, entre le bien et le mal, c'est le syndrome qui fait que je tombe. J'ai perdu que quelqu'un m'aide. J'ai mal au crâne, je crois que je vais péter les plombs. J'hésite entre les joies et les larmes, entre le bien et le mal, c'est le syndrome qui fait que je tombe.